بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui le cas des personnes qui ont une excuse pour ne pas jeûner. On lit le hadith numéro 23. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه. Ibn Abbas رضي الله عنه rapporte, il a été permis à la personne âgée de ne pas jeûner et de nourrir pour chaque jour un pauvre sans être tenu de rattraper son siyam. Ce hadith est rapporté par Dharqutni et il est sahih, il est authentique. La première question concerne le cas des personnes âgées qui ne peuvent pas accomplir le siyam. Tous les savants sont d'accord pour dire que les personnes âgées qui ne peuvent pas accomplir le siyam n'ont pas à jeûner et elles n'ont pas non plus à rattraper les jours manqués. Et cet ijmer, ce consensus, a été rapporté entre autres par l'imam al-Qurtubi et l'imam al-Nawawi. Donc elles n'ont ni à jeûner ni à rattraper les jours manqués. Par contre, les savants ont divergé sur la fidya, sur la compensation. Est-ce que ces personnes devront s'acquitter d'une fidya, d'une compensation, en nourrissant pour chaque jour raté un pauvre ou pas? Le premier avis est l'avis de la majorité des savants, qui est que cette compensation est obligatoire. Ces personnes devront nourrir pour chaque jour raté un pauvre. C'est l'avis de la majorité des savants, parmi eux l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, Ishaq, Abu Hanifa et d'autres. Et parmi les sahaba, c'est l'avis d'Anas, d'Ibn Abbas, d'Abu Huraira et de Qays ibn Sa'ib, radiallahu anhum. Ils se sont basés sur la lecture d'Ibn Abbas. Alors, la lecture d'Ibn Abbas de ce verset-là. Le verset dont on parle est celui-ci. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent le supporter, le siyam, fidya, il y a une fidya, une compensation. Ta'am ou miskin, qui consiste à nourrir un pauvre. Alors auparavant, on l'a déjà cité, les musulmans avaient le choix entre soit nourrir, soit jeûner, soit nourrir un pauvre. Ils pouvaient soit jeûner, et s'ils décidaient de ne pas jeûner, eh bien ils pouvaient nourrir un pauvre à la place de ce jour-là. Donc ici, Ibn Abbas a lu ce verset-là de cette façon-là. وَعَلَى الَّذِينَ يُتَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ يُتَوَّقُونَهُ qui signifie يُتِقُونَهُ بِمَشَقَّةٍ, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent supporter le siyam qu'avec grande difficulté. Donc d'après la lecture d'Ibn Abbas, le verset signifie pour ceux qui ne pourraient le supporter, le siyam, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation qui consiste à nourrir un pauvre. Donc, d'après cette lecture-là, eh bien, le sens englobe le cas des personnes âgées qui n'ont pas la capacité de jeûner. Elles doivent s'acquitter d'une fidya en nourrissant pour chaque jour raté un pauvre. Deuxièmement, c'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit qu'Ibn Abbas a compris de ce verset-là que vu que la personne qui peut jeûner et qui décide de ne pas jeûner doit s'acquitter d'une compensation, eh bien également la personne qui n'a pas la capacité de jeûner, doit s'acquitter d'une compensation. Si la personne qui peut jeûner auparavant décidait de ne pas jeûner, elle devait s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour. Eh bien, il en a déduit que si la personne ne pouvait pas jeûner, elle devait également nourrir un pauvre pour chaque jour raté. Voilà ce qu'a compris Ibn Abbas de ce verset-là. Et comme on l'a dit, ce verset-là a été abrogé. Et la preuve en est ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, et muslim, d'après Salama ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, qui a dit « Lamma nazalat wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kana man arada an yuftir wa yaftadi » Lorsque ce verset-là est descendu, eh bien la personne avait le choix entre soit jeûner, soit nourrir un pauvre. « Hatta nazalat al-aya allati ba'daha fa nasakhatha » Puis lorsque le verset « Faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu » Eh bien, lorsque ce verset-là a été révélé, le premier verset a été abrogé. Donc, par la suite, eh bien, les musulmans devaient obligatoirement jeûner. Ils n'avaient plus le choix entre soit jeûner, soit nourrir un pauvre. Le siyam est devenu obligatoire. Voilà la preuve que ce verset-là a été abrogé. Et également, ils se sont appuyés sur ce que faisaient certains sahaba. Certains sahaba nourrissaient des pauvres à la place des jours manqués. C'est le cas d'Anas, également d'Ibn Abbas, d'Abu Huraira et de Qays ibn Sa'ib, radiallahu anhum. Ibn Hazm a dit « وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مِنَ الصَّحَابَ مُخَالِفُ » Il a dit qu'on ne connaissait pas de sahaba, de compagnons, qui se soient opposés à eux. Donc, ils se sont basés sur ce que faisaient certains sahaba. Et cet avis-là est l'avis qu'a choisi Ibn Qudama, l'imam al-Nawawi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, et également Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, et Cheikh Ibn Uthaymeen, et Cheikh Muqbal également. Rahmatullah alayhim ajma'in. Et le deuxième avis est que cette fidya, cette compensation, n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire aux personnes âgées qui n'ont pas pu jeûner de nourrir pour chaque jour raté un pauvre. C'est l'avis de l'imam Malik, de Thawri, d'Abu Thawr, et parmi les tabi'in également de Salim ibn Abdillah, de Rabi'a, de Sa'id ibn Abdelaziz et d'autres. Et c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Mundhir, Ibn Abdelbar et Ibn Hazm également. Rahmatullah alayhi majma'in. Ibn Hazm a dit « والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما » Ibn Hazm a dit que le siyam n'est pas obligatoire aux personnes âgées qui n'ont pas la capacité de jeûner. Il s'est basé sur la parole d'Allah Azza wa Jal « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » Allah Azza wa Jal n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. ثم قال « وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما » Il a dit que vu que le siyam ne l'aurait pas obligatoire, eh bien la compensation ne l'aurait pas obligatoire. Voilà le raisonnement d'Ibn Hazm qui est un très bon raisonnement. Vu que ces personnes-là n'ont pas à jeûner, que le siyam ne l'aurait pas obligatoire, eh bien la compensation ne l'aurait pas obligatoire. Pourquoi s'acquitter d'une compensation alors que ces personnes-là n'ont pas à jeûner, le siyam ne l'aurait pas obligatoire. Et il a dit qu'il n'y avait aucune preuve qui soit parvenu dans le Coran, ni d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, qui indique l'obligation de la compensation. Donc on n'a aucune preuve à ce sujet-là. Et c'est également ce qu'a cité l'imam Ibn Abdelbar, qui a dit « Inna al-fidya ghayru wajiba ala man la yutiqu siyam » Il a dit que la fidya, la compensation, n'est pas obligatoire à la personne qui n'a pas la capacité de jeûner. Donc celui qui ne peut pas jeûner n'a pas à nourrir de pauvres pour chaque jour raté. Car vu qu'Allah Azzawajal n'a pas rendu ce siyam obligatoire à la personne, eh bien la compensation ne lui est pas non plus obligatoire. Donc Ibn Abdelbar est de cet avis-là également. Et il a cité également qu'on n'a aucune preuve du Coran, ni de preuve remontant au prophète, alayhi salatu wassalam, ni d'ijmer, ni de consensus à ce sujet-là. On n'a aucune preuve qui indique que cette fidya, que cette compensation est obligatoire. Ils ont répondu aux arguments du premier avis comme suit. Alors, le premier argument, on le rappelle, était la lecture d'Ibn Abbas du verset. On rappelle que le verset est « وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ » Pour ceux qui peuvent le supporter, le siyam, « fidya » il y a une compensation, « ta'am au miskin » qui consiste à nourrir un pauvre. Et on a vu que ce verset-là a été abrogé. On rappelle qu'au départ, celui qui avait la capacité de jeûner pouvait soit jeûner, soit nourrir un pauvre. Eh bien, Ibn Abbas a lu le verset de cette façon-là, « وَعَلَى الَّذِينَ يُتَوَّقُونَهُ » qui signifie que ce sont ceux qui ne peuvent supporter le siyam qu'avec grande difficulté qui doivent s'acquitter d'une compensation. Voilà. Donc, voilà le sens du verset selon la lecture d'Ibn Abbas. Eh bien, la réponse à ceci est ce qu'a cité l'imam Ibn Abdelbar qui a dit que la lecture authentique était la première lecture. D'accord ? Il a dit que Al-Qira'a Sahiha, c'est la lecture qui est connue, qui est وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ Pour ceux qui peuvent le supporter, il y a une fidya qui consiste à nourrir un pauvre. Donc cette lecture d'Ibn Abbas s'oppose à la lecture connue. Et certains savants ont parlé sur cette lecture d'Ibn Abbas. C'est le cas, entre autres, de Tabari dans son tafsir, d'Abu Ubaid fi Nasikh wal Mansour, d'Ibn al-Arabi fi Ahkam al-Qur'an et d'Ibn al-Jawzi fi Nasikh wal Mansour. Et en plus, ils ont ajouté que ce sens-là s'oppose au hadith authentique rapporté par les Bukhari et Muslim qui indique que ce verset a été abrogé. Dans le hadith qu'on a lu auparavant, eh bien, on a vu qu'au départ, les musulmans avaient le choix entre soit jeûner et soit s'acquitter d'une compensation, soit nourrir un pauvre. Eh bien, dans ce hadith-là, il n'y a pas de distinction entre celui qui éprouve de la difficulté à jeûner et celui qui n'en éprouve pas. Il est juste fait mention que la personne, les musulmans auparavant, avaient le choix entre soit jeûner, soit s'acquitter d'une fidya. Il n'est pas précisé que ce sont les personnes qui avaient de la difficulté à jeûner qui devait s'acquitter d'une fidya. Cela n'est pas mentionné. Il n'y a aucune distinction entre les deux cas. Donc, cette lecture-là s'oppose au hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, qui ne fait pas de distinction entre le cas de la personne qui éprouve de la difficulté à jeûner et celui qui n'en éprouve pas. Et également, en plus, on est en train de parler ici, nous, de celui qui ne peut en aucunement jeûner. On est en train de traiter du cas des personnes âgées qui ne peuvent aucunement jeûner, qui ne peuvent pas du tout jeûner. Et également, les savants ont cité que la suite du verset ne correspondait pas à ce sens-là. En effet, dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla a dit « Wa antasumu khayrun lakum » « Il est mieux pour vous de jeûner ». Donc ils ont dit que si ce verset-là englobait le cas des personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, comment lui demander par la suite de jeûner et de lui dire « Il est mieux pour vous de jeûner ». Comment dire à la personne qui ne peut pas jeûner « Il est mieux pour vous de jeûner ». Donc la suite du verset ne correspond pas à ce sens-là. Cela n'est pas approprié avec la suite du verset. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ce verset-là, en fait, a été abrogé. Au départ, les musulmans avaient le choix entre soit jeûner, soit s'acquitter d'une fidya. Et que la personne éprouvait de la difficulté ou pas à jeûner, eh bien, si elle décidait de ne pas jeûner, elle pouvait ne pas jeûner et s'acquitter d'une fidya. Il n'y a aucune distinction entre ces deux cas-là. Reste, quelle est la réponse au fait que certains sahaba étaient d'avis qu'il fallait nourrir des pauvres à la place des jours manqués pour la personne âgée qui n'a pas pu jeûner? Eh bien, la réponse, comme l'a cité Cheikh Mohammed ibn Hizam, est que « El hujja bi ijma'ihim, la bijtihad ba'di afradihim ». El hujja, la preuve, réside dans l'ijma', dans le consensus des compagnons, non pas dans l'ijtihad de certains compagnons. Donc ici, ce sont certains compagnons qui ont fait un ijtihad et qui ont jugé bon aux personnes âgées qui n'ont pas pu jeûner, de nourrir des pauvres à la place des jours manqués. Donc c'est un ijtihad, on n'a pas d'ijmer, on n'a pas de consensus de tous les savants à ce sujet-là. Et également, il a dit, que ce sont certains compagnons qui ont trouvé préférable de nourrir des pauvres à la place des jours manqués. Donc ils ont jugé que c'était préférable et non pas obligatoire. Ils n'ont pas jugé que c'était une obligation, mais juste une recommandation. Donc voilà une autre réponse. Donc en résumé, c'est juste qu'ils ont trouvé cela préférable et non pas obligatoire. Donc cette fidya-là n'est pas obligatoire. À partir de là, Cheikh Mohammed ibn Hizam a cité que la ville plus juste était que la compensation n'est pas obligatoire. Et attention, ici on est juste en train de traiter la question au niveau obligation. Mais dans tous les cas, en pratique, eh bien, on peut nourrir des pauvres. On peut très bien faire comme les sahaba qui ont nourri des pauvres, comme Anas, Ibn Abbas et d'autres. La compensation n'est pas obligatoire, mais en pratique, on peut nourrir des pauvres à la place des jours manqués. On peut faire comme les sahaba, radiallahu anhum. Et dans tous les cas, c'est un acte de bien. Donc voilà le résumé sur cette question-là. La ville plus juste est que les personnes âgées qui n'ont pas la capacité d'accomplir le siyam n'ont pas à rattraper les jours manqués et la compensation n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, mais on peut en faire comme les sahaba qui ont décidé de nourrir des pauvres à la place des jours manqués. La question suivante concerne la quantité de nourriture à sortir. Alors, si on s'acquitte d'une fidya, quelle quantité de nourriture faut-il sortir? Certains savants ont dit qu'il fallait sortir un moud. Un moud est la quantité de nourriture qui tient dans le creux de deux mains jointes. Donc ils ont dit qu'il fallait sortir un moud, par exemple de tamr, de date ou de blé ou autre. C'est l'avis entre autres de l'imam Shafi'i. Et d'autres savants ont dit qu'il fallait sortir un sa. Un sa équivaut à 4 mouds, que ce soit un sa de blé ou autre. C'est l'avis d'Abu Hanifa. Et d'autres savants ont dit qu'il n'y a aucune quantité précise de nourriture à sortir, que rien n'est venu délimiter cette quantité de nourriture. Et c'est l'avis le plus juste. Donc on peut sortir une quantité de nourriture suffisante à nourrir un pauvre. Et cette quantité-là n'est pas délimitée. Et Cheikh Mohammed ibn Hizam a cité que les fuqaha n'ont pas cité une quantité de nourriture inférieure à un moud. Donc il faut sortir au moins un moud pour que la personne mange à sa faim. La question suivante est, que se passe-t-il si une personne âgée se retrouve un jour dans une situation où elle n'a pas la force de jeûner? Puis, passé un moment, elle retrouve la force de jeûner. Doit-elle rattraper les jours manqués ou pas? Cheikh Mohammed ibn Hizam a cité que l'avis le plus juste était que cette personne âgée, si elle retrouve la force de jeûner, eh bien, elle doit rattraper les jours manqués. Elle devra rattraper les jours manqués. Il a cité que cette incapacité-là était liée à une cause. Et lorsque cette cause disparaît, eh bien, elle doit rattraper les jours manqués. Elle se retrouve dans le cas d'une personne qui est malade. Si une personne est malade, Eh bien, lorsque sa maladie part, s'en va, lorsqu'elle est guérie, eh bien, elle doit rattraper les jours manqués. Eh bien, ce cas-là est semblable au cas de la personne qui est malade. On va maintenant citer d'autres catégories de personnes qui ont une excuse pour ne pas jeûner. La première catégorie de personnes est al-marid, les personnes qui sont malades. L'imam al-Qurtubi a dit que si la personne était malade, alors ici on avait deux cas. Le premier cas est le cas où la personne ne peut pas du tout jeûner, elle n'a pas la force du tout de jeûner. Dans ce cas-là, elle doit rompre le siyam et rattraper les jours manqués plus tard. Et le deuxième cas est le cas où la personne malade peut jeûner avec difficulté. Alors dans ce cas-là, il lui est recommandé de ne pas jeûner, puis de rattraper les jours manqués par la suite. La question suivante concerne les critères de la maladie. L'imam Nawawi a dit que si la personne était touchée par une maladie qui va rendre son siyam pénible, eh bien dans ce cas-là, elle ne doit pas jeûner et elle devra rattraper les jours manqués par la suite. Par contre, si la personne est légèrement malade, eh bien dans ce cas-là, elle doit jeûner. Si par exemple la personne tousse un petit peu ou est un petit peu enrhumée, eh bien dans ce cas-là, elle doit jeûner. La question suivante concerne le cas du malade dont on n'attend pas la guérison. Parfois, certaines personnes sont malades d'une maladie dont on n'attend pas d'amélioration. Par exemple, les personnes qui sont malades du rein, elles ne peuvent pas jeûner. Que doivent-elles faire dans ce cas-là? L'imam al-Nawawi a dit que leur cas était semblable au cas des personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. C'est la première question qu'on a traitée au début du cours. Donc on a vu que les personnes âgées n'ont pas à rattraper les jours manqués et certains ont cité qu'ils devaient nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc ces personnes-là se retrouvent dans la même situation que les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. La question suivante est, que se passe-t-il si celui dont on n'attend pas la guérison retrouve un jour la force de jeûner? Doit-il rattraper les jours manqués ou pas? L'avis le plus juste selon Al-Hanabila et Shafi'iya également est que cette personne-là devra rattraper les jours manqués. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Muqbal, rahimahullah wa ta'ala. La question suivante est, est-ce que la personne malade peut délaisser sa niya de jeûner, son intention de jeûner? Est-ce que celui qui est malade peut délaisser son intention de jeûner? L'imam Nawawi a dit qu'on avait deux cas de figure. Le premier cas est le cas où la maladie perdure. Si la maladie dure longtemps, si la personne sait qu'elle va être malade un long moment, par exemple de nombreux jours, eh bien dans ce cas-là, elle peut délaisser sa niya, elle peut délaisser son intention de jeûner. Par contre, il a cité que si la maladie vient et va, si le mal vient et va, si de temps en temps ça va et de temps en temps ça ne va pas, eh bien dans ce cas-là, la personne place sa niya. Puis le lendemain, si la personne a la capacité de jeûner, si elle peut jeûner, eh bien dans ce cas-là, elle jeûne. Et si elle ne le peut pas, alors là, elle ne jeûne pas. Donc ici, elle doit placer sa niya et elle fera en fonction le lendemain. La question suivante est, que se passe-t-il si la personne malade se force à jeûner? L'imam Ibn Abdelbar a dit que tous les savants étaient d'accord pour dire que si la personne malade se force à jeûner, eh bien son siyam est accepté. L'imam Ibn Qudama a dit que celui qui se force à jeûner alors qu'il est malade a fait quelque chose de réprouvé, car cela risque de lui causer du tort. Et il a dit que si son état s'empire, eh bien c'est encore plus déconseillé. Si le fait de jeûner empire sa situation et que cela lui cause un grand tort, eh bien c'est encore plus réprouvé. Il lui est encore plus réprouvé de jeûner. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la darar wa la dirar. Donc le musulman ne doit pas se causer de tort. La deuxième catégorie de personnes qui ont une excuse pour ne pas jeûner sont les personnes qui ont peur de mourir de faim ou de soif. L'imam al-Nawawi a dit que tous les savants étaient d'accord pour dire que si les personnes avaient peur de mourir de faim ou de soif, eh bien dans ce cas-là, elles ne devaient pas jeûner et devront rattraper les jours manqués par la suite. La troisième et quatrième catégorie de personnes sont les femmes enceintes et celles qui allaitent. Certains savants ont dit que les femmes enceintes et la femme qui allaitent n'ont pas à jeûner et n'ont pas à rattraper les jours manqués. Mais par contre, elles devront nourrir des pauvres à la place des jours manqués. Elles devront s'acquitter d'une fidya. Ils ont dit que leur cas était semblable au cas des personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. C'est l'avis d'Ibn Abbas. Et d'autres savants ont dit que la femme enceinte et la femme qui allaitent n'ont pas à jeûner, mais par contre, elles devront rattraper les jours manqués par la suite. Et elles n'ont pas à s'acquitter de fidya, elles n'ont pas à nourrir de pauvres. C'est l'avis de Zuhri, de Lawza'i, de Rabi'a, de Thawri et d'autres également. Ils se sont basés sur un hadith rapporté par Anas ibn Malik qui a dit que le prophète alayhi salat wa salam a dit Inna Allah azza wa jal wada'an al-musafir soum. Allah azza wa jal a levé l'obligation d'accomplir le siyam pour al-musafir, pour celui qui voyage. Donc celui qui voyage n'est pas dans l'obligation de jeûner. Wa shatara salat, et la moitié de la salat. C'est-à-dire que le musafir, celui qui voyage, peut raccourcir la salat. Au lieu de prier le asr en 4 raka, il le prie en 2 raka. Wa ani al-hubla wal murdi'a soum. C'est la partie du hadith qui nous intéresse. Al-hubla signifie la femme enceinte. Wal murdi'a, la femme qui allait. Donc Allah a levé l'obligation à la femme enceinte et à la femme qui allait d'accomplir le siyam, de jeûner. Donc elles ne sont pas dans l'obligation de jeûner. Elles devront rattraper les jours manqués par la suite. Ils ont cité qu'il n'y a pas de preuve qui indique qu'elles doivent nourrir des pauvres. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Mokbel, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Cheikh Mohamed Ibn Hizam a cité que c'était l'avis le plus juste. Donc l'avis le plus juste est que la femme enceinte et la femme qui allait ne doivent pas jeûner et devront rattraper les jours manqués par la suite. Il n'y a aucune preuve authentique qui indique que la fidya est obligatoire, qu'elles doivent nourrir des pauvres. Et d'autres avis ont été émis sur cette question-là. On va les citer quand même brièvement. Alors, le troisième avis est que si la femme enceinte et la femme qui allait craignent pour leur personne, ou sinon craignent pour leur personne et leur enfant, eh bien dans ce cas-là, elles ne doivent pas jeûner et devront rattraper les jours manqués et n'ont pas à s'acquitter de fidya. Par contre, si elles craignent juste pour leur enfant, eh bien dans ce cas-là, elles devront rattraper les jours manqués et devront s'acquitter d'une fidya. Donc voilà, c'est l'avis entre autres de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. Le quatrième avis est que la femme enceinte devra rattraper le jour manqué et elle n'a pas à s'acquitter de fidya, elle n'a pas à nourrir de pauvres. Alors que la femme qui allait devra rattraper les jours manqués et devra s'acquitter d'une fidya, elle devra nourrir des pauvres. C'est l'avis de l'imam Malik de Leith et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Abdelbar. Et le cinquième avis est que la femme enceinte et la femme qui allait n'ont ni à rattraper les jours manqués ni à nourrir de pauvres. C'est l'avis d'Ibn Hazm. Ils se sont basés sur le hadith qu'on a lu, qui indique qu'Allah Azzawajal a levé l'obligation à la femme enceinte et à la femme qui allait de jeûner. Donc ils ont dit, vu qu'elle ne doit pas jeûner, vu que cette obligation ne lui impose pas, eh bien elle n'a pas à rattraper les jours manqués et elle n'a pas à s'acquitter de fidya, elle n'a pas à nourrir de pauvres. Mais la réponse à ce hadith-là est qu'en fait, Allah Azzawajal a levé l'obligation d'accomplir le siyam dans cette situation-là, dans le cas où la femme est enceinte pendant la période où elle est enceinte et pendant la période où la femme qui allait. Puis, une fois que cette période-là est terminée, eh bien, elles doivent rattraper les jours manqués. Donc voilà la réponse à ce hadith-là. Allah a levé cette obligation-là pendant cette période-là, pendant la période où la femme est enceinte et pendant la période où la femme allait. Puis, passé cette période-là, la femme devra rattraper les jours manqués. Et les savants ont cité également que ce jugement englobe le cas des femmes engagées pour allaiter les enfants des autres, comme l'a cité l'imam al-Nawawi. La sixième et septième catégorie de personnes sont les femmes qui ont leur menstrue et les femmes qui viennent d'accoucher. L'imam al-Nawawi a dit que tous les savants étaient d'accord pour dire que les femmes qui ont leur menstrue et les femmes qui viennent d'accoucher ne doivent pas jeûner et qu'elles devront rattraper les jours manqués par la suite. Et ici, on va poser une question qui est, que se passe-t-il si les menstrues de la femme cessent pendant la journée? Doit-elle s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée ou pas? L'avis le plus juste est que si les menstrues cessent pendant la journée, eh bien la femme peut quand même manger et boire le reste de la journée. La huitième catégorie de personnes est el-mejnoun. El-mejnoun, la personne qui n'a pas sa pleine raison, la personne qui perd sa raison. L'imam al-Nawawi a dit que tous les savants étaient d'accord pour dire que le mejnoun n'a pas à jeûner, que le siyam ne lui est pas obligatoire. قال واذا افاق لن يلزم وقاد ما فاته في الجنون. Il a dit que lorsque le majnoun retrouve son esprit, retrouve sa pleine raison, eh bien, il n'a pas à rattraper les jours manqués lorsqu'il n'avait pas sa raison. قال سواء قل او كثر. Que ce majnoun là ait raté quelques jours ou plusieurs jours, il n'a pas à rattraper ces jours-là. وقال Il a dit que c'était l'avis de la majorité des savants. Donc la majorité des savants est d'avis que le Mejnoun n'a pas à jeûner et n'a pas à rattraper les jours manqués lorsqu'il n'avait pas sa raison. Si la personne perd sa raison, elle n'a pas à jeûner et elle n'a pas à rattraper les jours manqués lorsqu'elle n'a pas sa raison. Et ce qui indique cela est la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, rufi'a al-qalam 'an thalatha. Le prophète a dit que la plume était levée sur trois personnes. Et parmi ces catégories de personnes, قال المجنون حتى يعقل, le Mejnoun jusqu'à ce qu'il retrouve sa pleine raison. Et également, on a vu qu'une des conditions pour accomplir le siyam était d'être aqil, c'est-à-dire d'avoir sa pleine raison. Or, le Mejnoun n'a pas sa pleine raison. La neuvième catégorie de personnes est sabi, les jeunes enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. L'imam Nawawi a dit que le siyam n'est pas obligatoire aux sabi, aux jeunes enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté bil ijma, selon le consensus des tous les savants. D'accord ? Donc, les jeunes enfants ne sont pas dans l'obligation de jeûner. Ils peuvent jeûner. C'est bon même de les inciter à jeûner pour les habituer. Mais le siyam ne leur est pas obligatoire. Et enfin, la dernière catégorie de personnes, la dixième catégorie, est El Mujahid fi sabilillah. El Mujahid fi sabilillah peut rompre le siyam et devra rattraper les jours manqués pour la suite. Donc voilà pour ce dars qui concernait les différentes catégories de personnes qui ont une excuse pour ne pas jeûner. Wa ila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.